belle histoire de Petun Pété. Ouais. Qu'ils avaient une rafle. Et que Petun Pété était allé se cacher sous une feuille de chou. Oui. Et puis on est allé, la mère de Petun Pété est allée chercher le chou. Et il a donné le chou à la vache. Et Petun Pété était dedans. Et puis la mère le soir est allée traire la vache. Et entre dans la vache, le Petun Pété. Il faisait. Non, c'est la vache qui parlait. La vache parle, parce que Petun Pété, il disait Petun Pété, Petun Pété. Mais alors il disait, attends, je cherche son mari, il dit, en parlant pas toi. Oui, dites-le. Oui, mais enfin, je vais commencer en français, je vais venir en français. La vache, je dirais même pas toi. La vache parle, la vache parle. Alors, c'est pas vrai, là, son mari, il dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, ils sont allés, et par dit, oui, il a dit, la vache parle. Et vous dites, alors il a dit, on sera obligé de la tuer. Ils ont tué la vache. Ils ont ouvert le ventre. Et quand, oui, j'ai maintenant l'habitude de parler français, je m'explique mieux en français qu'à toi. En ouvrant le ventre de la vache, ils ont trouvé Petun Pété. Et Petun Pété, ils ont jeté les boyaux dans un ravin. Et en jetant les boyaux, Petun Pété est sorti. Non, le loup l'avait mangé. Le loup a mangé les boyaux. Et en mangeant les boyaux, Petun Pété, il a passé par là. Et puis, parce que cet homme disait à son gamin, c'était son gamin, Petun Pété, il disait, attrapera pas jamais le loup par la queue. Parce qu'il était petit, et le loup disait ça à son gamin, attrapera pas jamais le loup par la queue. Et alors, ce loup avait mangé Petun Pété. Et puis Petun Pété, le loup en allant faire ses besoins, il a fait Petun Pété. Et en sortant, Petun Pété a attrapé le loup par la queue. Et il est allé à taper à la porte de la maison. Et quand le père a dit quelqu'un qui tape. Et ça a été Petun Pété. Et Petun Pété a dit à son père, « T'es, mais il disait toujours qu'il n'attrapait pas le loup par la queue, puis tu ne serais pas attrapé. » Ça, c'est une histoire. Ah oui, c'est alors, je me rappelle. En commençant, puis... Ouais, ouais.